Salman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Après l'annonce de la libéralisation du marché de change par la Banque de la République du Burundi, le directeur national de l'organisation PARCEM souhaiterait que même les étrangers reçoivent des facilités pour investir au pays en amenant des devises. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN vient de suspendre les certificats de cet produit alcoolisé. Vous entendrez les explications. Et la ville de Bujumbura sera dotée dans les jours à venir de l'énergie électrique issue des déchets solides et sur financement du fonds bleu de la Commission climat du bassin du Congo, appuyé par la Banque africaine de développement. Vous aurez les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. La Banque de la République du Burundi autorise à toute personne physique de détenir un compte en devises au Burundi et d'y faire librement des opérations de retrait, versement et transfert à l'étranger. De plus, les personnes nécessitant des soins de santé à l'étranger et les étudiants non boursiers effectuant leurs études à l'étranger peuvent adresser leur demande de devises à leur banque commerciale pour traitement. Dans un communiqué rendu public ce mardi, la Banque centrale autorise également de contracter des crédits en devises auprès des établissements de crédit pour des fins d'investissement générant des revenus en devises ou allégeant la pression sur la sortie des devises. En réaction à cette annonce de la BRB de libéralisation du marché de change, le directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités PARCEM exprime son appréciation positive. Faustin Dikoumana souhaiterait que même les étrangers reçoivent des facilités afin qu'ils viennent investir au pays en amenant des devises. On l'écoute. PARCEM se dit satisfait par les mesures prises par la Banque centrale dans le cadre de la libéralisation du marché d'échange et la gestion des devises, parce que depuis longtemps, PARCEM avait crié haut et fort que le contrôle et l'intervention drastique de la Banque centrale dans la gestion du système de change au Burundi causait un tort énorme à l'économie nationale. Mais si on commence à libéraliser, à permettre que les Burundais, les opérateurs économiques burundais, les citoyens et les privés détiennent des comptes en banque et les utilisent en toute liberté. Ils peuvent me transférer des fois à l'étranger. Donc, il faut qu'ils soient propriétaires de leur devise. Là, c'est une avancée très importante. Ça pourrait même stimuler les exportations, les exportateurs. Il faut que chaque exportateur, quand il reçoit les fonds liés aux marchandises exportées, il faut que les fonds en devise récoltés, il faut que ça soit la propriété de l'exportateur. Sa propriété, l'essentiel, c'est que ça entre dans le circuit monétaire. Il faut que le gouvernement intériorise que l'important est que toutes ces devises entrent dans le circuit monétaire, au sein du secteur bancaire et financier. Tout cela même que le gouvernement devait prendre d'autres mesures à soutenir les touristes, tous ces opérateurs économiques des pays voisins qui viennent ici pour faire des affaires ici. Il ne faut plus faire des contrôles stricts. Et jusqu'à leur demander là où ils ont pu échanger leur monnaie en devise, là ça devient vraiment un calvaire pour eux. Il faut une libéralisation permettant à ce que les transactions en devise soient libres. Cela va stimuler même les activités économiques, cela va stimuler les exportations. Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation PARCEM. Lancement ce mercredi par la Banque de la République du Burundi de la fonction de surveillance des systèmes et moyens de paiement à travers les nouvelles technologies pour tous les Burundais et les étrangers. Martin Banyezako, chef du service surveillance des systèmes de paiement à la BRB, explique que cette fonction facilitera la transaction monétaire en toute sécurité. Il estime que la plus-value de cette fonction est de garantir à la population des transferts et retraits sans tracasserie. On l'écoute. Il s'agit d'une nouvelle fonction de banque centrale. Ce n'est pas seulement une nouvelle pour la Banque centrale du Burundi, mais c'est une nouvelle fonction pour toutes les banques centrales du monde, qui commence avec le projet de modernisation des systèmes de paiement qui est récent par le monde. C'est pourquoi la banque est toujours en collaboration avec les autres institutions, pour le cas d'espèce, l'ARCT, l'Agence de régulation des télécommunications. Et la banque centrale doit rester en collaboration avec les autres institutions en charge de ces questions, notamment la couverture en Internet, mais pourquoi pas la couverture en énergie. Il doit travailler avec toutes les parties prenantes. L'importance de ces systèmes de paiement, c'est d'abord d'assurer la rapidité et la fiabilité de ces paiements. C'est d'assurer la sécurité de ces paiements. La plus grande préoccupation de la Banque centrale, côté établissement émetteur de monnaie électronique, c'est la protection des fonds des clients. C'est pourquoi il y a beaucoup de principes que les émetteurs de monnaie électronique doivent respecter pour protéger ces fonds. C'est notamment le principe de séparation. Les établissements émetteurs de monnaie électronique doivent séparer l'argent des clients et leur propre argent. Les comptes doivent être séparés dans les institutions financières. Le deuxième principe, c'est le principe de diversification. Un émetteur de monnaie électronique ne doit pas mettre tout l'argent, tous les fonds des clients dans une même institution financière. Ne doit pas dépasser 25%. S'il dépasse ce taux, il doit ouvrir un autre compte, ce qu'on appelle un compte de cantonnement ou compte global, dans une autre institution financière. Je venais de vous le dire dans les titres, le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN vient de suspendre les certificats de sept produits alcoolisés. Dans un communiqué lu ce mercredi, le directeur général du BBN, Jérémy Ngezahayo, a indiqué que cet organe a constaté des écarts entre les résultats trouvés lors de la certification de ces produits et ceux trouvés lors de l'activité de l'inspection et de la surveillance du marché. Suivez les explications du directeur général du Bureau burundais de normalisation. Après l'inspection des produits alcoolisés dénommés 20 certifiés par le BBN, après avoir constaté les écarts des résultats trouvés lors de la certification de ces produits et ceux trouvés lors de l'activité d'inspection et de la surveillance du marché, constatant que certains vins inspectés et analysés montrent des non-conformités à la norme applicable NBEAS 138 2019 ou NBEAS 139 2018, sur le taux d'alcool, le dépôt solide, des particules en suspension, la présence d'alcool additionnel, l'utilisation des saveurs, des fruits dérivés ou de colorants artificiels, il est porté à la connaissance du public que les certificats de conformité des produits ci-après sont suspendus jusqu'à la constatation du respect des conditions exigées par la norme applicable au vin NBEAS 138-2019 et NBEAS 139-2018. Et la commercialisation est interdite dès le présent communiqué. Il s'agit de Rafiki Wine, Ambiance Wine, Navus Wine, Castor Wine, Susuruka Wine, Sorora Wine et Capitaine Wine. Les autorités administratives et le ministère ayant la sécurité dans ses attributions sont priés d'aider dans le retrait de ces produits sur le marché. Les notifications individuelles seront remises très prochainement aux entreprises concernées. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Dans la suite de ce journal, la ville de Bujumbura sera dotée dans les jours à venir de l'énergie électrique issue des déchets solides sur financement du Fonds bleu de la Commission climat du bassin du Congo, appuyée par la Banque africaine de développement. Cette annonce a été faite ce mardi par le ministre burundais en charge de l'environnement dans un atelier d'échange entre les techniciens congolais et burundais évoluant dans le secteur de l'environnement et de l'énergie. Et c'était sur l'état d'avancement des objectifs que cette commission s'est fixée. Cependant, le ministre Prosper Dodiko n'a pas précisé quand démarreront les travaux de production de cette énergie à partir des déchets solides. On fait le point avec Évariste Nzikobanyana. Dans cet atelier d'échange de ce mardi entre les techniciens congolais et burundais dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie à travers la Commission climat du bassin du Congo, il a été l'occasion d'annoncer ce que le Burundi a gagné parmi les 15 projets de développement présentés, un seul projet ayant été pris en compte selon le ministre de l'Environnement. Le Burundi a soumis 15 projets et parmi ces projets, il y a un projet déjà qui est à maturité, c'est-à-dire qui dispose des études de faisabilité. durabilité. C'est le projet de transformation des déchets solides de la ville de Bujumbura pour avoir de la fumée organique et de l'électricité. Mais à côté de ça, nous avons eu dans la salle la présence des représentants de la Banque des États d'Afrique centrale qui non seulement finance les études de faisabilité, mais aussi finance la mise en œuvre des projets. Et donc, nous allons passer à une autre étape après cette sensibilisation de soumettre notre requête pour financer les études de faisabilité pour les autres projets. Non seulement ça, on va aussi encourager toutes les parties prenantes, y compris la société civile, pour soumettre d'autres projets. Et plus nous soumettons beaucoup de projets, plus le Burundi aura de chance à avoir plus de projets qui seront financés. Le ministre Prosper Dodiko n'a pas cependant précisé quand ce projet sera lancé, mais il a indiqué que parmi les projets phares qui sont sur la table figure celui de la protection du littoral du lac Tanganyika qui a occasionné beaucoup de dégâts ces derniers temps, mais que beaucoup reste à faire pour que ce projet soit aussi financé. Sur 254 projets proposés par les 17 pays membres de la CCBC, Commission Climat des Bassins du Congo, 15 seulement ont été pris en compte, selon Arlette Soudan Nounou, ministre congolais de l'Environnement et présidente de cette commission. Une occasion pour avancer, a-t-elle dit. Les États ont donc soustrait aux 254 projets du plan d'investissement à ce stade 15 projets intégrateurs qui nous permettront donc de porter les études de faisabilité et d'aller à quelque chose de concret au financement au travers d'une table ronde pour ces projets donc de développement dans nos États. Donc vous comprenez aujourd'hui pourquoi il était important d'avoir autour de la table tous les partenaires, tant le secteur privé, tant le monde de l'entrepreneuriat, tant les jeunes, tant les femmes, tant les institutions nationales qu'internationales, tant les partenaires techniques au développement. Et donc, j'ai été accompagnée par la Banque de développement des États d'Afrique centrale qui abrite, qui porte donc au sein de sa banque, donc notre fonds fiduciaire qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Parmi les 10 priorités de cette commission climat du bassin du Congo figurent la coordination et l'orientation des initiatives prioritaires dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et du développement durable. Merci Évariste Nzikobanyanga. Nouvelle des Provence, à présent, les habitants de la zone Maranvia en commune Montimouzé de la province Bujumbura se plaignent de l'état des pistes de circulation suite aux pluies intenses enregistrées pendant la saison précédente. Ils déplorent également la façon dont certaines routes sont en train d'être réhabilitées. De son côté, Siméon Boutoy, administrateur de la commune Moutimouzi, appelle à son tour toute la population à la protection des routes en traçant des caniveaux devant leurs parcelles. Il promet aussi de vérifier si l'entreprise qui fait actuellement la réhabilitation des routes a respecté les conventions. Spes Caritas Kabanyana. Ces habitants de Maranja en commune Moutimbouzi se lamentent de l'état des routes qui n'ont pas de caniveau pour l'évacuation des eaux, comme ils le disent. Ils reconnaissent cependant la réhabilitation de certaines routes, mais dénoncent la façon dont ce travail est en train d'être réalisé sans caniveau et sans couche suffisante pour relever le niveau de la route afin de la protéger contre l'inondation selon la même source. Ces habitants de Maranja demandent aux autorités de suivre de près ces travaux de réhabilitation de certaines routes. Siméo Boutoyi, administrateur de la commune Moutimbouzi, recommande à toute la population à tracer des caniveaux autour des routes tout près de leur parcelle et celui qui ne va pas le faire sera sanctionné par une amende administrative. Il précise également qu'il va vérifier si le projet de réhabilitation actuel de certaines routes a respecté les conventions du dossier d'appel d'offres. Spes Caritas Kawanyana en commune Moutimbouzi pour la et le paludisme en province Tchankouzo est en baisse depuis 2022, selon le médecin directeur de santé dans cette province. Avant 2022, on pouvait accueillir à peu près 200 personnes atteintes de malaria, alors qu'en 2024, on en enregistre approximativement 40 cas par semaine dans toute la province. Cela résulte des efforts consentis dans la surveillance au quotidien de tout cas suspect et une prévention accrue chez les femmes enceintes, comme nous le rapporte notre correspondant Raymond Moudende. Le paludisme a été une maladie qui autrefois menaçait les communes d'Omishira et Tchindajulu suite à la relocalisation géographique dans la zone de dépression avec une température élevée. Des enfants surtout étaient victimes de cette maladie. Frédéric Fosté Iradukunda, médecin directeur de la province Tchankouzo, parle des efforts consentis pour combattre cette maladie. Selon lui, il est visible que le paludisme est en train d'être combattu en province Tchankouzo car avant 2022, on a enregistré à peu près 200 cas de paludisme par semaine dans toute la province Tchankouzo, alors qu'actuellement, en 2024, on enregistre approximativement 40 cas de paludisme par semaine dans toute la province Tchankouzo. La direction provinciale de la santé à Tchankouzo affirme que dans le cadre de lutte contre cette maladie, il a fallu une surveillance au quotidien de tout cas suspect de malaria et surtout une prévention intermittente des femmes enceintes. Les amateurs collinaires ont pris le devant dans cette surveillance en relevant tout cas survenu sur les collines. Depuis Tchankouzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. En bref, en actualité internationale avant la chronique sur les messages de haine, après des mois de doute autour de la qualité de l'eau de la Seine et un premier report embarrassant, les deux épreuves programmées ce mercredi 31 juillet ont bien eu lieu. La triathlète Cassandre Beaugrand a marché sur l'eau ce mercredi pour offrir à la France sa 6e médaille d'or où le suspense a duré jusqu'au bout sur la tenue de l'épreuve en raison de la qualité de l'eau de la Seine. Et plus proche de chez nous, un nouveau cessez-le-feu en République démocratique du Congo à partir de ce dimanche. 4 août a été annoncé par la présidence angolaise hier soir, mardi 30 juillet, après une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC à Luanda. Il s'agissait de la deuxième réunion ministérielle de ce type organisée dans le cadre du processus de Luanda. Et hors du continent, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a été tué mardi 30 juillet dans une frappe à Téhéran. Ce qu'a annoncé dans un communiqué les gardiens de la révolution. Elle a ensuite été confirmée par le mouvement palestinien qui parle d'un raid sioniste. Si Ismaël Haniyeh était visé par Israël depuis longtemps, d'autant plus depuis le début de la guerre à Gaza, cet assassinat fait craindre une hausse encore plus importante des tensions. Les citoyens israéliens sont sur le qui-vive. Parle, rassure-moi. Les messages de mobilisation politique sur base ethnique sont toujours utilisés au Burundi, mais les habitants de la colline Ruvumu, commune Kiganda de la province de Muramvya, affirment qu'ils ne donnent plus de valeur à ce genre de discours. Le secrétaire exécutif permanent de la commune Kiganda indique que ce changement résulte des sensibilisations faites à leur endroit. Jean-Claude Ngundwa, expert en résolution des conflits, indique qu'il faut multiplier ces séances pour éclairer la population sur le bien fondé de la cohabitation qui ne tient pas compte de l'identité ethnique. Ornella Mucho. Des habitants de la colline Ruvumu en commune Kiganda dans la province Muramvya affirment que la question ethnique reste une réalité vivante à travers les messages de mobilisation politique sur base ethnique. Ils disent qu'heureusement, ils ne donnent plus place à ce genre de manipulation après avoir réalisé que les auteurs de ces messages cherchent uniquement leurs propres intérêts au lieu de s'intéresser à la promotion de l'intérêt communautaire. Il y a ceux qui essaient de nous manipuler à l'approche de la période électorale, soi-disant qu'on est du même groupe ethnique. Mais aujourd'hui, nous sommes éveillés. On ne peut plus tomber dans leur piège. Il y a celui qui m'a demandé de les lire, mais après avoir réalisé qu'il ne pourra pas tenir ses promesses de promouvoir l'intérêt général, j'ai préféré favoriser celui que je juge comme un vrai citoyen et patriote sans considérer son groupe ethnique. Le secrétaire exécutif et permanent de la commune Kiganda, Sinumbaya Afiakre, indique que l'administration organise régulièrement des séances de sensibilisation à l'endroit de la population pour lutter contre le retour des tensions ethniques observées dans le passé. Nous avons vécu des crises sociopolitiques où les gens s'entretuaient puisqu'elle est un retour Tutsi ou Twa. Ils ne pouvaient même pas partager un verre, c'était impossible. Mais grâce aux sensibilisations organisées par des associations et l'administration, les gens ont fini par changer de mentalité. On a montré que la question ethnique ne pouvait se poser dans ce pays. L'expert en résolution des conflits, Jean-Claude Ngongwa, trouve que malgré différentes initiatives et actions menées par le gouvernement, les discours haineux alimentant les tensions ethniques sont malheureusement toujours tenus. La première conséquence, c'est que ça empêche les gens à penser d'une façon critique. La deuxième, c'est qu'ils vont voter sans réfléchir et le vote ne vont pas répondre aux besoins de l'avenir. D'autres conséquences qui peuvent en venir, c'est qu'il peut y avoir une confrontation qui peut arriver même à la guerre basée sur les ethnies. Aux auteurs de ce message, la première chose, je pense qu'il faut penser à l'avenir du pays. Il faut qu'ils réfléchissent sur le passé du pays. On a commis des erreurs. Et je pense qu'il est temps de réfléchir d'une façon responsable. Depuis que le Burundi était sous la colonisation belge, les Burundais ont été toujours manipulés, divisés et opprimés à base des appartenances ethniques. Et aujourd'hui, c'est difficile à s'en sortir. Cet expert rappelle à la population burundaise d'être toujours conscient que les gens doivent être élus ou accéder à des postes en fonction de leur citoyenneté burundaise et non pas en fonction de leur ethnie, pour laisser de côté toute forme de division ethnique. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.